Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, Instruction familière sur le Magnificat, Instruction première, Introduction. C'est avec une vive satisfaction que je remarque votre empressement et votre exactitude à vous rendre à l'Église, non seulement le matin pour entendre la Sainte Messe et l'explication de l'Évangile, mais encore le soir, pour assister aux vêpres et chanter les louanges de Dieu. Laissant là les vains amusements que le monde peut vous offrir, vous montrez par votre conduite que votre occupation la plus douce est de rendre à la Divine Majesté le culte et les louanges qui lui sont dus. Je ne puis m'empêcher d'applaudir à de pareils sentiments. Éclairé de la lumière d'en haut, vous savez apprécier l'honneur qu'il y a de consacrer sa langue à célébrer les grandeurs de Dieu. Ô mon Dieu, que peut-il y avoir en effet de plus glorieux sur la terre que de partager l'office des anges et des citoyens de la cour céleste, confère l'aude, dédicace de l'Église à la louange. Nous remplissons donc ici-bas un office vraiment angélique, quelle gloire et quel bonheur! C'est là ce que le grand apôtre désirait si ardemment de ses chers disciples d'Éphèse et de Colosse. Remplissez-vous du Saint-Esprit, vous entretenant de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, chantant et psalmodiant du fond de vos cœurs à la gloire du Seigneur, Éphésiens 5, 18. Heureux si devenus les émules des cœurs célestes, ou même de ces premiers disciples du christianisme, nous chantions les louanges de Dieu avec la même ferveur, si nous les chantions, dis-je, non seulement de la langue et du bout des lèvres, mais encore de cette voix intérieure qui part du cœur. C'est là le point important, mes frères, il faut que l'esprit et le cœur accompagnent la langue, et que la langue ne fasse autre chose qu'exprimer les affections intimes de l'âme. Que la bouche, la langue et l'esprit, que tous nos sens et toutes nos facultés fassent retentir de concert les louanges de Dieu, bréviaire à tierce, sans cela nous pourrions bien nous attirer le reproche que Jésus adressa aux pharisiens. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est bien loin de moi, Matthieu 15, 8. Efforçons-nous donc, mes frères, de faire agir de concert la langue, l'esprit et le cœur, pour autant que notre fragilité nous le permet. Mais voilà la difficulté, me répondez-vous, quel moyen de tenir l'esprit constamment attentif à des choses que nous ne comprenons pas ou presque pas? Nous chantons les louanges de Dieu en latin, c'est vrai, mais n'avez-vous pas la traduction en langue vulgaire à côté de la version latine? L'une vous aide à comprendre l'autre. À mon père, je vous avoue que je ne comprends pas même la traduction, ou du moins je ne la comprends pas autant qu'il serait nécessaire pour fixer mon attention. J'en conviens, mes frères, car je sais que ce n'est pas tant la parole de Dieu, que l'explication de cette parole qui porte la lumière dans nos esprits, Psaume 118, 130. C'est donc afin que vous puissiez jouir de la lumière qui éclaire les ténèbres de l'intelligence, que je tâcherai de vous expliquer et de vous dévoiler le mieux qu'il me sera possible, quelqu'un, des sacrés cantiques que nous récitons à vêpres. Comme je ne puis les entreprendre tous à la fois, je m'arrêterai à celui que je juge le plus digne de votre attention. C'est le Magnificat, ce beau cantique que nous récitons tous les jours sans exception, et les simples fidèles chaque jour de fête à l'office de vêpres. Il formera donc le sujet de nos entretiens spirituels aujourd'hui et les dimanches suivants, jusqu'à la fête de la glorieuse Assomption de Marie au ciel. Heureux si après avoir uni nos voix à la sienne ici-bas, nous avons le bonheur de lui être un jour associé dans la céleste patrie. Nous nous bornerons aujourd'hui à quelques réflexions sur le chant des louanges de Dieu, et sur les cantiques en général. Ensuite, si le temps nous le permet, nous dirons quelques mots du Magnificat en particulier. L'Esprit Saint nous avertit par la bouche du sage que Dieu a créé toutes choses pour sa gloire, Proverbe 16, 4. Ainsi donc toutes les créatures sorties de la main de Dieu doivent, pour correspondre à la fin de leur existence, glorifier à leur manière sa divine et souveraine majesté. Et en effet, tous les êtres, même ceux qui sont dépourvus de sens et de raison, rendent gloire comme ils le peuvent à leur souverain auteur. Ce ne sont pas les cieux seulement qui racontent la gloire du Très-Haut, comme nous en assure le psalmiste, les moindres créatures elles-mêmes, les plus imperceptibles le glorifient à leur manière, leur beauté, leur variété, leur harmonie rendent gloire au Tout-Puissant, comme le dit si bien saint Augustin. Mais leur tribut de louange n'est, si je puis m'exprimer ainsi, qu'un tribut d'esclave, parce qu'il n'est pas joint à cette liberté de choix qui est le propre des enfants, guidés par l'amour et le désir de glorifier leur père. Ce tribut filial ne peut lui être rendu que par des créatures raisonnables, c'est-à-dire par les anges et par les hommes. Ceux-ci étant doués d'intelligence connaissent leurs premiers principes, et savent en apprécier, du moins en partie, la dignité et l'excellence, doués du libre arbitre. Ils savent choisir et discerner le tribut qu'ils ont à rendre à leur souverain et à leur Père céleste. Il n'y a donc eux seuls qui procurent, ou du moins qui soient capables de procurer à la divine majesté cet hommage infiniment plus noble et plus précieux que celui qu'il reçoit des créatures irraisonnables. Qu'il est digne d'envie par conséquent, qu'il est inappréciable notre bonheur, à nous, qui pouvons payer à un Dieu le tribut propre des enfants. Quelle ne doit pas être notre reconnaissance envers la divine majesté qui a daigné nous donner une âme capable de le connaître, de l'aimer et de l'honorer. Voilà notre plus grande, notre souveraine dignité. Mais, hélas, combien de fois n'arrive-t-il pas qu'un si précieux avantage est méconnu ou méprisé? Bien souvent peut-être nous faisons plus de cas de la santé, des forces, de la beauté du corps, et des plaisirs sensuels qui nous sont communs avec les plus vils animaux, que de la noble et sublime faculté de connaître, d'aimer et de louer notre Dieu, faculté qui est notre partage exclusif. Les hommes vraiment sages en ont pensé tout autrement, fiers et reconnaissants de ce qui fait la supériorité de l'homme sur toutes les créatures visibles. Ils se sont plus à glorifier Dieu en lui faisant hommage et des puissances intérieures de l'âme, et des facultés extérieures du corps, spécialement de la langue et de la voix qu'ils ont consacrées à raconter les grandeurs de Dieu et à célébrer ses louanges. Si nous étions de purs esprits, nous n'aurions pas besoin de ces manifestations sensibles, nous ne pourrions pas même faire connaître les affections de notre cœur à l'aide de la voix et de signes extérieurs. Mais comme notre esprit est uni à un corps, nous pouvons et nous devons consacrer l'un et l'autre au culte de la divine majesté. Nous voyons en effet que dès l'origine du monde les hommes sages en ont agi de la sorte. Il est dit des noces, petit-fils d'Adam, qu'il commença à invoquer le nom du Seigneur, Genèse 4, 26. Voyez Cornelius à Lapide en cet endroit. Nous ne devons pas croire pour cela qu'il ait été le premier à invoquer le Seigneur, puisque certainement et Adam pénitent, et l'innocent Abel l'avait fait avant lui. L'Écriture sainte ne veut donc nous faire entendre qu'une chose, savoir qu'Enos fut le premier qui ait établi un mode déterminé de célébrer les louanges de Dieu, par des psaumes, des hymnes, Des cantiques spirituels, comme nous le faisons dans nos assemblées. Nous pouvons louer Dieu de mille manières, par exemple, en prononçant son saint nom avec respect, en l'invoquant, en nous en entretenant religieusement, mais un des moyens les plus naturels est celui qui consiste à chanter et à publier ses louanges. Le chant est la manifestation la plus vive et la plus animée des sentiments intimes de notre cœur, il est d'ordinaire un signe de joie et d'allégresse, et certes nous ne pourrons ni ne saurons jamais faire un meilleur usage de cette faculté qu'en l'employant à chanter les louanges de Dieu, et à manifester ainsi la joie qu'éprouve notre âme, soit en considérant ses infinies perfections. Soit surtout à la vue des bienfaits que sa main libérale nous a départis. Il est des circonstances où nous nous trouvons comme inondés de joie, à la suite de quelques faveurs insignes et extraordinaires que nous avons reçues de Dieu, alors le cœur tressaille, il donne, pour ainsi dire, l'impulsion à la langue, et l'excite à manifester les plus intimes sentiments de l'âme. C'est ainsi que nous voyons les plus illustres personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament, improviser des cantiques nouveaux sous l'impression d'une joie soudaine, pour publier la grandeur d'un bienfait reçu, et faire éclater leur reconnaissance envers le divin bienfaiteur. Sans doute nous n'avons pas l'avantage de posséder tous ces cantiques, composé et chanté par les personnages célèbres qui existèrent depuis le commencement du monde. Mais il nous en reste néanmoins un assez grand nombre et d'assez précieux pour qu'ils puissent faire l'objet de nos plus profondes méditations. Le plus ancien des cantiques qui se trouve enregistré dans les Saintes Écritures est celui qu'entonnèrent les enfants d'Israël après le repassage de la mer Rouge, où leurs ennemis demeurèrent engloutis. Ce cantique n'est pas des plus longs, mais il est des plus majestueux et des plus sublimes. Moïse avec son peuple y exprime, sous les couleurs les plus vives et les plus brillantes, la puissance divine qui a éclaté dans leur délivrance de la servitude égyptienne et la destruction totale de leurs ennemis. Il peut servir également à nous rappeler, à nous aussi, que la main puissante de notre Dieu nous a tirés de l'esclavage du péché, et que le sang de notre divin Rédempteur, comme une autre mer rouge, a englouti tous les péchés, qui, pareil à autant d'ennemis cruels, nous tenaient auparavant assujettis. Vient ensuite l'autre cantique de Moïse, composé par lui vers la fin de sa vie. C'est le plus long de tous. Si l'on veut bien accepter le cantique des cantiques, il consiste principalement dans un parallèle comprenant, d'une part, les bienfaits innombrables dont le Seigneur a favorisé les Hébreux, et de l'autre, l'ingratitude monstrueuse dont ce peuple grossier ne cessait d'user envers un si généreux bienfaiteur. Oh que ce cantique serait propre à nous confondre! Si en le méditant nous réfléchissions aussi combien nous avons mal correspondu jusqu'ici aux faveurs du ciel. Ne vous imaginez pas que les femmes se soient crues dispensées de chanter les louanges de Dieu. À ses yeux, il n'y a point de différence entre l'homme et la femme, elles sont, aussi bien que nous, capables de connaître et d'apprécier les faveurs célestes, de même qu'elles le sont de célébrer la divine miséricorde. Le cantique de Déborah, et celui de la mère de Samuel, ainsi que celui de Judith en sont des témoignages irréfragables, ces illustres héroïnes, sensibles aux faveurs qu'elles avaient reçues de Dieu, employèrent élégamment leur langue à payer un tribut de louange à sa souveraine libéralité. Les enfants eux-mêmes ne sont pas exclus de la règle commune, et tous les jours encore, ou à peu près, nous récitons avec plaisir l'admirable cantique Bénédicité, dans lequel les trois enfants de la fournaise invitent toutes les créatures à louer et à bénir le Seigneur. Enfin, on peut remarquer que des personnes de tout rang et de toutes conditions se sont signalées en ce genre de composition. Nous avons des prophètes, des rois, nous avons des innocents et des pénitents. Parmi les prophètes se distinguent Isaïe et Habacuc, parmi les rois, David, Salomon et Ézéchias tiennent le premier rang. David par ses chants sacrés a certainement fourni, non seulement à la synagogue, mais encore à l'église chrétienne le plus suave et le plus salutaire de tous les aliments spirituels, puisque tous ou presque tous les psaumes sont regardés comme des productions de l'esprit et du cœur de ce saint roi. Nous y trouvons, comme dans un riche arsenal, toutes les espèces d'armes dont nous devons user dans les diverses circonstances heureuses ou malheureuses de notre vie. À l'aide de ces divines inspirations, notre âme peut s'élever vers Dieu et dans les moments de joie et dans les temps de deuil, et quand elle nage dans l'espérance et quand elle est plongée dans la crainte, que nous soyons innocents ou pénitents, au sein de la prospérité ou de l'infortune, en santé ou infirme, en un mot dans quelque position que ce soit, nous avons dans les psaumes des paroles appropriées à notre état et à notre situation. Salomon a donné à l'Église l'admirable cantique des cantiques, dans lequel, sous des figures triviales et bien souvent viles en elles-mêmes, il cache et recouvre comme d'un voile obscur aux yeux de plusieurs, et transparent seulement pour ceux que Dieu a admis à ses communications les plus secrètes, les traits les plus exquis de l'amour qui règne entre Dieu et son Église, entre Dieu et les âmes privilégiées. J'avoue cependant que cet aliment ne s'est pas fait pour tous les palais, et que celui qui voudrait en goûter trop inconsidérément, pourrait fort bien trouver la mort, là où il n'y a que vie, et ne voir que la chair là où tout est esprit. Je n'ai donc point l'intention de vous faire approcher de trop près de cette céleste liqueur qui pourrait vous devenir un poison funeste. Venons-en maintenant aux cantiques renfermés dans le Nouveau Testament. Ces derniers méritent de notre part une attention toute spéciale, comme nous appartenant de plus près, à nous qui sommes chrétiens, aussi remarquez-vous que l'Église, par une espèce de distinction, a coutume de les faire précéder du signe salutaire de la croix, peut-être afin d'indiquer par là qu'ils ont un rapport plus immédiat avec le Sauveur crucifié. Ils sont au nombre de trois, savoir le Benedictus, composé par Zacharie après la naissance de Jean-Baptiste, précurseur de ce roi de gloire qui est venu nous visiter du haut des cieux, le cantique Nunc Dimittis, prononcé par le bon vieillard Siméon, quand il eut l'insigne bonheur de serrer entre ses bras la lumière et la rédemption d'Israël, enfin le Magnificat, dont j'ai promis de vous entretenir, et qui fut composé par la très sainte Vierge, lors de la visite qu'elle fit à Élisabeth. Dans son admirable cantique, cette divine colombe annonça de sa propre bouche la paix à toute la terre, par l'entremise du chaste fruit qu'elle renfermait dans son sein. Pour peu que nous voulions considérer les choses attentivement, nous reconnaîtrons, et nous avouerons que ce cantique est le plus magnifique et le plus sublime qu'il soit possible d'imaginer. Voulez-vous arrêter un instant vos regards sur le mérite et sur l'excellence de celle qui en fut l'auteur? Je vous dirai avec saint Ambroise, que peut-il exister parmi les pures créatures elles-mêmes de plus noble et de plus grand que la Mère de Dieu, saint Ambroise de Virginibus? Que peut-il y avoir de plus illustre que celle qui a été choisie par la splendeur de la gloire? Non. Il n'y a aucune créature au-dessus de Marie, saint André de Crète. Ajoutez à cela la gravité des circonstances où se trouvait alors cette sublime créature. Dieu habitait en elle dans toute sa plénitude, le Verbe divin, la sagesse du Père éternel résidait corporellement dans ses chastes entrailles. Nous pouvons le dire, C'est le Verbe divin lui-même qui parla par la bouche de sa très sainte mère, et qui mit en mouvement les ressorts de sa langue pour lui faire chanter les magnificences ineffables de son Dieu. De même que Jean-Baptiste avait parlé par la bouche d'Élisabeth, ainsi Jésus se fit entendre par celle de Marie. Élisabeth, revêtue de l'esprit de Jean-Baptiste, rendit gloire à Marie, et Marie, revêtue de l'esprit de Jésus, rendit gloire à Dieu. Ce qui a été dit jusqu'ici peut suffire, je crois, pour nous donner une idée telle quelle des sacrés cantiques, et nous faire sentir la prééminence de celui de Marie sur tous les autres. Toutefois, nous apprécierons mieux encore ces beautés de premier ordre en le méditant plus à l'aise et en détail. C'est ce que nous ne pourrons faire aujourd'hui, qu'il me suffise d'avoir posé ces préliminaires. Dans les instructions suivantes, nous commencerons l'explication détaillée. Souvenons-nous toujours de l'obligation où nous sommes de nous unir d'esprit, de cœur et de bouche à ces saints personnages, qui avant nous ont si magnifiquement publié les louanges de Dieu sur la terre, et qui maintenant continuent leur chant dans le ciel. De concert avec eux, glorifions la divine majesté durant notre vie mortelle, afin d'avoir le bonheur de la bénir et de la louer tous ensemble pendant cette vie qui n'aura point de fin et pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. Markem Dan Archivorg 2023. D'après Books Google FR Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.